Ah, il te comprend mieux. Même si les hommes ne veulent pas te comprendre. Même si personne ne peut prendre ton fardeau. Jésus le partagera avec toi. Car il a dit, amenez-moi vos fardeaux qui sont lourds à porter. Il a dit, déposez à mes pieds vos fardeaux. Même si on ne comprend pas ce qui t'arrive. Même si personne ne peut entrer dans ton cœur pour voir les raisons qui t'ont poussé à agir. Lui, il comprend tout. Non seulement il comprend, mais il compatit. Lorsque l'épreuve de ton péché parle plus fort que les hommes, il te tend la main. Il dit, tiens ma main, je t'aime encore. Il t'aimera encore et davantage. Et le chemin restera toujours ouvert pour ta randonnée glorieuse avec lui. Il te saisira toujours par la main. Et quand tu te seras fatigué de marcher, il te prendra dans ses bras. Parce qu'il est amour et il t'aime. Et lorsque tu seras devant les combats de ta vie, il se levera pour combattre pour toi. Pour combattre en ta faveur. Et quand il se bat, on l'appelle El Shaddai. Le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Celui qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis. Alléluia. El Shaddai. Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui m'est fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon corps. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Restons pour toujours. Oh, El Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Hey, hey. Restons ensemble pour toujours. Wow, je t'aime, je t'aime. Alléluia.